suis descendu en enfer et j'ai rencontré Lucifer. Il va très bien, chère demoiselle. Merci de prendre de ses nouvelles. Il se régale sur la terre. Avec l'homme, il n'a rien à faire. Même pas besoin de le pousser. L'homme pour le mal est très doué. Il a toujours de bonnes idées pour couper l'herbe sous ses pieds. Scier la branche sur laquelle il s'est perché avec sa belle. Je suis descendu en enfer. Tiens, t'as le bonjour de Lucifer. Ses affaires sont bien florissantes. Les fleurs du mal sont attirantes. Il apprécie tous mes efforts pour être de moins en moins fort, jusqu'au point de non-résistance face à l'appel d'une autre danse. Et voilà que j'ai eu l'idée de couper l'herbe sous mes pieds, scier la branche sur laquelle j'étais perché avec ma belle. Je suis descendu en enfer, il m'a bien floué Lucifer. Et j'ai beau me sentir idiot, ça change rien à la photo. Je ne suis plus dans tes lendemains, c'est un autre qui prend ta main. Sans doute aurais-je dû inviter ce Lucifer à repasser. Et je n'aurais jamais eu l'idée de couper l'herbe sous nos pieds, scier la branche sur laquelle nous nous aimions tous deux, ma belle. Et je n'aurais jamais eu l'idée de couper l'herbe sous nos pieds, scier la branche sur laquelle nous nous aimions tous deux, ma belle. Je suis descendu en enfer. Tiens, t'as le bonjour de Lucifer.